Et tant que l'homme n'aura pas suffisamment, ne sera pas suffisamment circuité à son intelligence, il ne pourra pas comprendre parfaitement les conventions sur le plan de la conscience corporelle, il ne pourra pas comprendre ou il comprendra encore moins les conventions de la conscience consciente sur les plans extracorporels astraux, et automatiquement il sera incapable de se libérer une fois pour toutes des effets astraux sur sa conscience astrale ou sur sa conscience physique. Et ce n'est pas l'homme qui peut changer ceci, ce n'est pas l'homme qui peut s'adapter à cela. Ça fait partie de son évolution, ça fait partie de sa capacité de grandir dans sa conscience en relation avec toutes les lois expliquées par l'instruction pour que se démembrent petit à petit les conventions de la connaissance sur le plan physique et sur le plan astral. L'homme ne peut plus demain croire à rien. Parce que croire à quelque chose fait partie de la convention astrale sur l'homme. L'homme aura besoin d'être parfaitement dans son intelligence, c'est-à-dire avoir une communication directe avec des circuits qui sont extrasystémiques, dont la manifestation prépersonnelle et son contact avec l'agiteur de pensée.